Nous sommes des êtres rationnels qui vivons dans un espace-temps matériel. Nos sens sont l'expression d'une conscience qui donne à la solidité une valeur concrète. Donc, il est très difficile pour nous, qui avons été habitués pendant des siècles à manipuler la matière, de pouvoir manipuler ce qui est subtil, éthériel, astral. Et c'est pour cette raison que nous avons de la difficulté à réellement comprendre et à pouvoir nous exorciser, si vous voulez, des aspects ou des forces astrales qui polluent l'écran mental de l'homme. Pour travailler au niveau de l'écran mental et pour pouvoir créativement neutraliser les aspects retardataires de cette fonction psychique chez l'homme, nous devons en arriver à développer une conscience concrète de l'invisible, c'est-à-dire une capacité mentale de nous introduire psychiquement sur le plan astral, en utilisant l'écran mental comme une fenêtre dans ce monde, de la même façon que les entités utilisent l'écran mental comme une fenêtre dans notre monde. Mais ceci demande un très très haut niveau d'objectivité de conscience, c'est-à-dire une conscience capable de travailler avec la parole en fonction ou par rapport à un monde qui est invisible, mais qui devient visible à travers l'écran mental. Nos sciences ne sont pas suffisamment avancées et n'ont pas encore la subtilité nécessaire pour pouvoir nous faire reconnaître finalement que l'homme a accès au plan subtil par différentes voies. Il a accès au plan subtil par la voie du corps astral, il a accès au plan subtil par la voie du corps éthérique, mais aussi il a accès au plan subtil par la voie de la parole. Et cette réalisation, elle est nouvelle, elle est grande, elle est révolutionnaire pour l'homme, elle devient un outil absolu. Mais l'homme ne peut pas utiliser la parole pour traverser ou travailler sur le plan astral tant qu'il n'a pas lui-même converti l'énergie mentale de sa conscience en une force de frappe, c'est-à-dire en un taux vibratoire où les mots deviennent eux-mêmes magiques. Pour que l'homme puisse se servir de sa parole comme un instrument magique, c'est-à-dire comme un instrument capable de faire vibrer l'astral, il lui faut un très haut degré de certitude en ce qui concerne la valeur créative de son mental. Donc, il a besoin de vivre sur un plan mental totalement libre de toute affiliation avec le plan astral. Et à ce moment-là, il deviendra capable de pénétrer dans ses zones inférieures de la conscience et d'arracher aux entités le pouvoir de se manifester chez l'homme ou de manipuler l'homme à travers l'écran mental. La compréhension occulte de cette science de la parole pouvant être exercée contre les entités dans l'astral qui utilisent l'écran mental contre l'homme est très exactante pour celui qui n'est pas suffisamment avancé sur le plan de la cristallisation de son corps mental. Pour que l'homme puisse travailler avec des nuances, des subtilités de l'esprit, il faut qu'il soit très près de son esprit. Autrement dit, il faut qu'il soit très, très éloigné du rationnel de son ego intellectuel ou du rationnel de son intellect qui représente le plan inférieur de sa conscience. Ceux qui, dans l'avenir, auront la capacité de s'éloigner de la rationnelle de l'ego ou du plan inférieur pourront commencer à travailler sur le plan subtil de la conscience supramentale et éveiller en eux-mêmes des possibilités et faire naître des outils qui, éventuellement, serviront à neutraliser sur le plan astral les entités qui utilisent l'écran mental de l'homme contre son bien-être. Ceci demandera que l'homme puisse, avec le temps, en arriver à réaliser qu'il y a une relation directe et étroite entre sa parole créative et la vision du troisième œil. Cette vision du troisième œil étant rapportée à la fixation dans son mental de l'énergie de l'esprit. Dans la mesure où l'homme aura cette capacité, il pourra pénétrer à volonté par la parole dans le plan astral et extraire de ce plan les entités qui neutralise le pouvoir créatif de l'homme et empêche l'évolution de sa conscience. Ceci demandera de la part de l'homme une très grande conscience, une très grande intelligence créative. Et lorsque nous parlons d'intelligence créative, nous ne parlons pas d'intelligence occulte, parce que l'intelligence occulte n'est pas une intelligence créative. Elle est simplement une intelligence supérieure faisant partie du plan mental supérieur ou du plan mental inférieur, dépendant où se situe le degré de fusion entre le double et l'ego. Lorsque nous parlons d'occulte, lorsque nous disons que l'homme avec la parole n'a pas besoin d'être occulte pour travailler avec cette parole sur le plan astral, nous voulons dire que l'homme, lorsqu'il aura intégré son énergie, n'aura plus besoin de se servir de son écran mental, de son imaginaire ou des facultés internes et psychiques de son ego évolué pour déloger de l'astral les entités qui l'habitent et qui travaillent à travers l'écran mental pour polluer l'esprit de l'homme. Il pourra simplement, par la parole, neutraliser ses forces, démagnétiser le corps astral et redonner à l'homme le moyen de vivre une vie libre. Mais ceci demandera que l'homme lui-même, celui qui fera ce travail, soit suffisamment avancé en conscience pour ne plus être assujetti à aucun niveau, à une coloration de son esprit, c'est-à-dire à la coloration de son mental. Pour ceci, l'homme devra en arriver à une très grande objectivité face à son intelligence. Autrement dit, l'homme devra en arriver à une transparence totale, c'est-à-dire à une capacité intégrale de reconnaître, de comprendre et de saisir que l'intelligence fait partie de la fusion de son esprit avec l'ego et non pas représente-t-elle une qualité personnelle de son être. Tant que l'homme aura l'impression que son intelligence est une qualité personnelle de son être, cette intelligence sera astralisable, même si elle est hautement astralisable. Elle demeurera astralisable dans ce sens qu'elle ne pourra pas donner, par la parole, l'objectivité nécessaire à la vibration afin que cette vibration puisse pénétrer le monde astral et déraciner de ce plan les entités qui travaillent contre l'homme. L'homme devra réaliser que la parole en elle-même est le produit de la fusion et non pas simplement un attribut, un talent astral, un talent relié à l'expérience de l'âme. Il devra réaliser que la parole est en soi un mouvement de l'esprit à travers la gorge et non pas une manipulation psychique, psychologique ou occulte de l'ego à travers le mental et ensuite à travers la gorge. La gorge doit devenir pour l'homme le centre de manifestation de son esprit. C'est-à-dire que la gorge doit représenter dans la manifestation créative de la parole contre les forces astrales le point de rencontre entre l'esprit et la matière. Mais pour que ceci se fasse, il faut que l'ego, sur le plan mental, soit désengagé de toute volition, de toute nature psychologique, de toute nature égoïque face au pouvoir de la parole ou face à la présence de la parole. Sinon, l'ego astralise sa parole et donne à sa parole une qualité inférieure à ce qu'elle pourrait être en réalité. Donc, il intervient à la fois sur le plan inférieur de son mental et à la fois sur le plan supérieur de son mental. Et c'est cette intervention sur les deux plans à la fois qui donne à la parole une qualité vibrante, mais aussi une qualité égoïque. Avec l'évolution de la conscience, la cristallisation des sens, l'homme découvrira que la parole est une force en elle-même, elle est une vitalité en elle-même, elle est une vie en elle-même, et qu'elle supporte l'ego à tous les stages de son mouvement. Elle supporte l'ego à tous les stages de sa manifestation, de sorte que l'homme, sur le plan mental, émotionnel, vital et physique, bénéficie de sa parole lorsque celle-ci est totalement désengagée du plan mental inférieur. Autrement dit, lorsqu'elle est parfaitement fixée dans le centre de la gorge et qu'elle n'est pas colorée par un niveau quelconque de sa conscience astrale. Lorsque l'homme sera rendu à ce niveau-là, il deviendra un chirurgien de l'astral, c'est-à-dire qu'il aura la capacité de faire éclater l'astral à volonté, d'arrêter l'astral, de neutraliser l'astral, de convertir l'astral non pas en un ennemi, mais en un allié éventuel. L'homme aura la capacité d'aider les entités en astral, et en aidant les entités dans l'astral, il pourra aider et libérer l'homme de ses entités pour le moment. Ceci demandera une très grande conscience créative, c'est-à-dire une capacité de la parole de remplacer le mental inférieur. Lorsque la parole pourra remplacer le mental inférieur ne servira plus à l'homme et ce dernier sentira en lui une très grande transparence, c'est-à-dire une proximité très grande, très vaste avec l'esprit, donc une rencontre totale entre le double et l'ego. Et ceci lui permettra de finalement connaître et de reconnaître la synthèse de l'invisible et de la matière. Il sentira alors la fixation de l'esprit dans la matière et il pourra bénéficier dans la matière de l'esprit. À ce moment-là, l'homme, la parole de l'homme, deviendra extrêmement créative et chirurgicale en ce qui concerne les entités astrales qui évoluent sur un plan qui, depuis très longtemps, a été en domination face ou par rapport à l'homme. L'homme pourra alors commencer à goûter de l'infinité du mental et aussi à goûter de l'infinité de la parole et il découvrira que la science infuse de l'esprit n'a rien à voir avec la mystification de l'ego. Il découvrira que la science infuse de l'esprit est un paramètre naturel de la cosmicité de l'homme. Il découvrira que la science de l'infuse de l'esprit est tellement présente dans l'homme, mais tellement retardée, qu'il est absolument non naturel à l'homme de ne pas savoir comment fonctionne l'invisible et de ne pas savoir comment traiter avec l'invisible lorsqu'il interfère avec l'évolution de l'humanité. C'est à partir de ce moment-là que de grands aspects de la conscience de l'homme et de grandes sciences psychologiques serviront à élever la conscience de l'homme et finalement à le libérer de son état d'otage qu'il fut ou qu'il représenta pendant l'évolution. L'homme découvrira que l'infinité fait partie de l'esprit et que sa nature est tellement vaste qu'il est impossible à la parole de devenir par elle-même autosuffisante tant que l'homme lui-même n'a pas cessé, sur le plan mental inférieur, de donner à sa parole une valeur quelconque. C'est en cessant de donner à sa parole une valeur quelconque que l'homme déastralisera cette parole et permettra finalement à l'esprit de s'en servir, c'est-à-dire de se fixer dans la gorge pour finalement pouvoir, à travers l'homme, canaliser son énergie vers la neutralisation des forces astrales qui, psychiquement, ont dominé l'homme pendant l'évolution. Ceci donnera naissance à une très grande science de la psychologie supramentale, c'est-à-dire une science qui pourra être exercée par des êtres à différents niveaux d'évolution, parce que cette science pourra être graduée ou dégraduée selon le besoin des hommes en évolution et aussi selon le niveau de conscience de ceux qui recevront cette science. Donc, cette psychologie supramentale ne sera pas ou ne demeurera pas une psychologie occulte ou occultée ou hermétique. Elle pourra aider à l'évolution de différents niveaux de psychologie parce qu'elle pourra expliquer les différents stages de l'évolution progressive de la psychologie humaine. De sorte que, à travers la psychologie supramentale, l'homme pourra comprendre la psychologie Gestalt, il pourra comprendre la psychologie de Jung, il pourra comprendre la psychologie de Freud, il pourra donner à ces différentes psychologies leur place dans l'histoire et aussi leur valeur clinique, leur valeur d'étude en ce qui concerne les névroses de l'homme. Mais pour que l'homme en arrive à pouvoir faire la synthèse des psychologies, c'est-à-dire pour qu'il en arrive à pouvoir expliquer les limitations de chaque psychologie, et pour qu'il en arrive finalement à créer une psychologie universelle, il lui faudra posséder une parole totalement désengagée de la valeur astrale de son intelligence. Si l'homme n'est pas capable de se désengager de la valeur astrale de l'intelligence dans la parole, il ne pourra pas bénéficier du mouvement de l'esprit à travers la gorge, donc il ne pourra pas parfaitement devenir canal. Il n'est pas suffisant que l'homme soit médium, il doit être canal. Il y a grande différence entre médium et canal. Est médium celui qui colore la descente de l'énergie à travers ses sens. Est canal celui qui ne pourra pas colorer la descente de cette énergie à travers ses sens. Donc, est canal celui qui vivra, connaîtra demain un état plus avancé de fusion. Lorsque l'homme sera suffisamment avancé en fusion, il commencera finalement à comprendre le jeu de l'astral à travers la conscience de ses pensées. Lorsqu'il aura compris le jeu de l'astral à travers la conscience de ses pensées, il réalisera la limitation de ses pensées, même si ses pensées sont très occultes, très avancées dans les sciences marginales. Il découvrira que la pensée en elle-même ne peut pas servir l'homme tant qu'elle n'est pas parfaitement vibratoire. Si elle n'est pas parfaitement vibratoire, elle représente dans l'homme, elle crée dans l'homme des mondes, elle crée dans l'homme, sur le plan mental et sur le plan astral, des images, c'est-à-dire des structures psychiques, dont la géométrie, dans le fond, représente la faillibilité de l'esprit et la puissance de l'astral. Lorsque nous parlons de l'astral, nous parlons de monde très vaste, nous parlons de plans très complexes. Nous ne parlons pas simplement de l'astral de façon négative, nous pouvons parler de l'astral de façon positive. Mais l'astral représente une dimension de l'homme. Mais puisque l'homme passera de l'évolution à l'évolution, l'homme ne vivra plus sur le plan astral, donc il vivra sur le plan mental supérieur. Mais pour vivre sur le plan mental supérieur, il faut que le plan astral soit totalement neutralisé en ce qui concerne sa pollution ou son influence sur le plan mental inférieur de l'homme, c'est-à-dire sur le plan de la pensée. Donc, il faudra que la pensée de l'homme soit totalement universalisée, c'est-à-dire élevée à un niveau vibratoire tel qu'elle ne pourra pas créer dans l'imaginaire de l'homme, c'est-à-dire dans la structure psychique consciente ou inconsciente, des reflets, des courants, afin de laisser l'esprit passer dans le canal de l'homme pour que ce dernier puisse le vivre sur le plan de la gorge, où la parole deviendra finalement l'outil chirurgical utilisé par l'esprit pour défoncer, neutraliser et démagnétiser l'astral. Donc, il y a un avenir extrêmement glorieux pour la psychologie supramentale. Il y a un avenir absolument extraordinaire qui est sans fin, parce que l'esprit est sans fin. Et comme les mondes invisibles, les mondes subtils sont sans fin, l'homme devra apprendre au cours de l'évolution à reconnaître et à traiter avec ces mondes afin de pouvoir graduellement se désengager de l'affinité psychique qui existe entre l'âme en évolution et ces mondes d'où elle provient. Et c'est ainsi que l'homme en arrivera finalement à exercer le pouvoir de son corps éthérique, c'est-à-dire à pouvoir manifester sur le champ et à volonté une dimension de sa conscience qui n'est pas reliée au phénomène ou au mouvement de la conscience astrale. C'est à ce moment-là que l'homme découvrira que le mouvement dans l'éther ne convient pas à la qualité psychologique de l'ego, mais convient à la qualité spirit de son énergie. Donc l'homme deviendra esprit, c'est-à-dire qu'il deviendra un mouvement, donc il deviendra conscience, mais il deviendra conscience sans que cette conscience ait le besoin, alors qu'il est dans le corps matériel, de se manifester à elle-même, c'est-à-dire d'apparaître à elle-même. C'est dans ce sens que l'homme, en utilisant le corps éthérique, le véhicule éthérique, vivra une conscience totalement désengagée de ce qu'il peut aujourd'hui projeter. Lorsque l'homme aujourd'hui dit ou croit être en éthérique, ce qu'il fait dans le fond, c'est qu'il utilise le corps astral en relation avec le support vital que le corps éthérique met à sa disposition à cause de la connexion entre le cerveau éthérique et le plexus solaire. Lorsque l'homme aura dépassé ce stade de l'évolution, il verra qu'il vit dans son corps éthérique, qu'il exerce les facultés de son corps éthérique, dans une dimension de conscience totalement en dehors de la conscience égoïque. C'est à ce moment-là que l'homme pourra, sur le plan matériel, manifester le mouvement direct de l'énergie du double à travers la gorge, sans avoir, sur le plan psychologique, sur le plan psychique, à vivre l'intensité astrale qui lui donnerait l'impression d'être sur un autre plan ou dans une autre dimension. Mais il saura qu'il est dans un autre plan et sur une autre dimension, et il demeurera prisonnier de son corps matériel tant qu'il aura la volonté de demeurer dans la matière. Lorsqu'il aura cessé du besoin d'être dans la matière, à ce moment-là, il sera totalement libre en éthérique, et il pourra prendre conscience dans l'éthérique de la même façon qu'il avait conscience sur le plan matériel. Mais cette conscience sera éthérique et ne sera plus astral. Nous parlons de ceci afin de faire reconnaître finalement à l'homme de l'évolution que les sciences du passé, quelles que furent ces sciences, quelques besoins qu'eut l'humanité de les recevoir, étaient des sciences limitées à la transformation psychique de son âme. Au fur et à mesure où l'homme entrera dans une autre phase d'évolution, au fur et à mesure où il entrera dans un nouveau temps, il sera lui-même en mesure de savoir, de comprendre et d'élucider le problème du corps astral et le problème du corps éthérique. Donc, il sera en lui-même capable, à travers la parole, de comprendre les nuances qui existent entre ces deux plans qui sont très près de l'homme et qui font partie de sa composante. À ce moment-là, l'homme pourra commencer à travailler sur le plan de l'astral, d'une façon qui conviendra parfaitement à l'évolution des entités et aussi parfaitement à l'équilibre de la personnalité devenue de plus en plus, ou devant devenir de plus en plus, une personne chez l'être humain. À ce moment-là, la psychologie supramentale sera extrêmement puissante dans le monde, elle sera extrêmement créative et elle ouvrira des portes à la compréhension de l'homme, des portes qui aujourd'hui demeurent encore fermées et parfaitement sous clé, c'est-à-dire parfaitement dans le secret de la fusion de l'homme nouveau. Autrement dit, l'évolution de la psychologie supramentale sera le produit de l'ouverture ou de la manifestation des clés faisant partie de la fusion de l'homme, c'est-à-dire faisant partie de l'actualisation du corps éthérique. Lorsque cette actualisation aura suffisamment manifesté sa conscience dans le monde, nous découvrirons une science de la psychologie tellement avancée qu'elle bouleversera les données de l'homme et qu'elle permettra finalement à l'homme de réellement commencer à construire un pont entre lui-même et l'invisible sans avoir à supporter les aspects asphyxiants du corps astral, de la conscience astrale et des entités qui, pendant des millénaires, ont servi de médium interne subconscient à la conscience de l'ego afin que cette dernière puisse supporter le joug d'une conscience expérimentale. Au cours de l'évolution, l'homme apprendra à se servir de son écran mental comme il apprend à écrire avec la plume. Dans ce sens qu'il apprendra à se servir d'un tableau lui permettant de visionner le matériel et l'immatériel et d'établir constamment un équilibre entre ces deux plans. Mais pour que l'homme puisse bénéficier de l'écran mental, il lui faudra reconnaître en lui-même les faiblesses psychologiques de son ego, car c'est à travers ces faiblesses que l'écran mental s'allume, qu'il devient polarisé et qu'il s'astralise. Donc, il perd la vertu mentale de sa capacité créative. Les hommes qui sont dotés d'un écran mental vivant, actif, ont avantage à comprendre la fonction de cet appareil psychique, de cette fonction psychique chez l'homme et d'en prendre avantage dans la mesure où ils sont capables de reconnaître en eux-mêmes les failles de leur personnalité qui font de leur écran mental un outil facile d'accès pour l'astral et les forces psychiques nocturnes de la conscience humaine. L'étude de l'écran mental au cours de l'évolution de la psychologie supramentale permettra à l'homme de réaliser que dans le fond, cet écran est à la fois une porte sur l'invisible et à la fois un tableau sur lequel il peut inscrire des pensées créatives, des formes créatives, qui ont la capacité de rendre fluide le mouvement de l'esprit, de l'énergie du double à travers son mental. Rendre fluide cette énergie dans le sens de donner à cette énergie une convention, une forme palpable par l'homme et très près de la concrétisation dans le temps de cette même forme. C'est à ce stage-là que l'écran mental deviendra un véhicule pour la voyance. C'est à ce stage-là que l'homme pourra l'utiliser à différents niveaux pour comprendre les différents niveaux de la réalité. Mais pour le moment, l'écran mental est encore un outil de l'astral. C'est encore une fenêtre à travers laquelle l'astral pénètre dans la conscience humaine et la psychologie en est à ses débuts dans la compréhension de ce mécanisme extrêmement précieux pour l'homme, mais extrêmement volatile, extrêmement dangereux, s'il n'est pas contrôlé par l'homme lui-même, mais contrôlé par les forces obscures de sa conscience planétaire. L'écran mental, sans doute, sans aucun doute, représente sur le plan de l'homme une des grandes interventions de l'énergie de l'intelligence dans le monde de la forme. Dans la mesure où l'énergie de l'intelligence et le monde de la forme se rencontrent sur un plan mental suffisamment élevé, l'écran mental lui-même devient pour l'homme un outil de travail extrêmement intéressant. Mais dans la mesure où cette même énergie est utilisée, manipulée, englobée par des forces sous-jacentes à la conscience humaine, l'écran mental devient pour l'homme le plan d'expérience psychique où, pendant l'évolution, la totalité de l'évolution, il fut victimé. Et l'homme ne peut pas vivre ou subir un état psychique indéfiniment en dehors de son contrôle. Il doit l'amener éventuellement à une réalisation concrète de ses besoins sur le plan matériel comme sur le plan psychique interne. Mais ceci demandera de sa part une très grande capacité d'intervenir directement, froidement, dans tout le processus manipulatif de sa conscience expérimentale. Donc, ceci demandera que l'homme, à la fin, au cours de son évolution, en arrive à corriger les abus de la mémoire et aussi en arrive à corriger les abus de son corps émotionnel, car ces abus sont responsables pour la détérioration graduelle de son intelligence à travers la forme mentalisée et permet alors à d'autres forces en lui d'utiliser ces formes pour leur propre projection, donc pour la détérioration de l'identité humaine. Les êtres qui souffrent d'aliénation ou qui souffrent de grands déséquilibres psychiques ou de grandes sensibilités intérieures sont en général extrêmement sensibles à leur écran mental, et même s'ils ne connaissent pas les lois psychiques derrière ce tableau, cet outil, cette partie d'eux-mêmes, ils en sont tout de même victimes et ils en demeurent souvent victimes toute leur vie. Donc, le phénomène de l'écran mental, aussi étrange soit-il pour l'homme moderne, deviendra demain un nouveau terrain de reconnaissance. Il deviendra demain un nouvel espace psychique étudié de façon à ce qu'il donne et aussi de façon à ce qu'il rapporte à l'homme. Et toute aberration de l'écran mental sera corrigée parce qu'une science suffisamment éveillée à la réalité occulte de ce plan pourra donner à l'homme les outils nécessaires afin de démagnétiser le plan mental et de le remettre sous le contrôle de l'ego. Il est évident que l'écran mental tel que nous le vivons aujourd'hui est un aspect de notre conscience que nous subissons à différents degrés. Une partie de cet écran chez l'homme normal, chez l'homme suffisamment balancé, est utilisée pour la créativité et une autre partie est utilisée pour la souffrance, dépendant le stage dans sa vie où il doit vivre l'expérience de l'âme. Dans le cas où l'homme vit l'expérience de l'âme sur un plan positif, dans le cas par exemple où il utilise l'écran mental pour le travail, ce dernier lui donne accès à des inventions astrales servant à l'évolution de la civilisation. Dans le cas contraire où l'homme subit des tensions psychiques, des souffrances ou des déséquilibres dans sa vie personnelle, à ce moment-là, l'écran mental sert à créer en lui une absence d'identité, un déséquilibre psychique et une tendance à se voir diminuer graduellement à ses propres yeux. L'écran mental est superbe dans cette fonction. Il peut facilement être utilisé par l'astral pour amener l'homme à se voir plus petit qu'il est, plus inférieur qu'il est en réalité. Autrement dit, il peut très bien servir à diminuer l'homme. C'est pourquoi l'homme nouveau qui prendra conscience des mécanismes subtils de l'écran mental et aussi des aspects occultes de la pensée en arrivera à dépasser la petitesse que cet écran a tendance à créer en lui lorsqu'il souffre et à l'amener finalement à dépasser cette impression pour prendre conscience de lui-même, c'est-à-dire pour reprendre le contrôle de son écran mental et finalement en arriver avec le temps à vivre des pensées réellement créatives qui ne seront plus colorées par l'écran mental de la même façon que l'écran mental ne sera plus coloré par elle. Le mouvement qui existe entre la pensée humaine et l'écran mental est un mouvement qui est très, très unifié, dans ce sens que la pensée et l'image sont en général extrêmement interreliées. Chez la personne qui est sensible, qui est débalancée, qui est névrotique, qui est aliéné. La pensée de l'écran mental représente pour lui, pour cette personne, une qualité de plus en plus incertaine de sa véritable identité. Par contre, l'homme conscient qui a ou qui aura conscience de ses pensées, de l'origine de ses pensées, qui ne vivra plus la polarité de ses pensées, donc qui ne vivra plus l'abus de l'écran mental sur sa conscience, pourra en bénéficier et faire ressortir de cette fonction psychique des éléments créatifs servant finalement à lui donner sur le plan matériel comme sur le plan interne une capacité d'engendrer de plus en plus d'harmonie, de beauté, de créativité. Mais le prix sera grand chez certains êtres qui auront abusé de l'écran mental pour des raisons d'ignorance, de naïveté, de spiritualité, de mysticisme. Plus nous avancerons dans l'évolution de la conscience supramentale, plus nous découvrirons les couches de la conscience humaine qui peuvent être violées par l'astral à travers l'écran mental. Donc, plus nous réaliserons que dans les confins de la psychologie de l'homme, autrement dit, dans les espaces internes de son psyché, il existe des forces, des royaumes, des plans, des mondes qui ont comme fonction de se servir de l'homme, alors que c'est l'homme lui-même qui doit, en définitive, se servir d'eux. C'est dans ce sens que l'écran mental est à la fois un boni pour l'homme et à la fois une charge. Et les êtres qui ont un écran mental vivant doivent en arriver à pouvoir l'évaluer, à savoir si leur écran mental leur cause de la souffrance, quand, pourquoi, sous quelles conditions, et renverser cette situation à partir d'une connaissance fondamentale et absolue des lois de la pensée et des lois de l'imagerie. Ces êtres, alors, pourront avancer très rapidement dans la cognition interne, pourront avancer rapidement dans la réalisation de leur identité et aussi dans la perception grandiose qu'ils possèdent ou qu'ils ont accès à une intelligence créative qui peut se servir de l'écran mental pour faire aboutir sur le plan matériel des aspects de cette intelligence au profit de l'homme. En passant, il est dangereux de se servir de l'écran mental comme un jeu. Il est dangereux de se servir de l'écran mental comme étant un espace psychique à l'intérieur duquel on peut poser ou placer n'importe quoi. Parce que tant que l'homme ne connaît pas les lois de l'astral et qu'il ne connaît pas les lois de la forme qui s'enregistrent sur le plan mental de cette cognition, il travaille avec des forces dont il ne connaît pas les mécanismes occultes. Et étant naïf comme il l'est, il peut facilement ouvrir des centres en lui qui demain seront utilisés par des entités. Il existe dans le monde aujourd'hui des tendances à créer dans l'écran mental des laboratoires, des ci ou des ça, des conditions psychiques, des espaces psychiques où l'on travaille à faire telle chose ou telle chose. Mais comme les hommes ne réalisent pas et ne comprennent pas les lois du plan astral, comme l'homme ne réalise pas et ne comprend pas les mécanismes de l'écran mental en relation avec ses forces, il joue une partie très dangereuse. Et ce n'est pas pour rien que beaucoup de personnes qui ont commencé à travailler sur le plan occulte ou ésotérique de ce plan mental, de les trouver quelques années plus tard, des êtres affaiblis en volonté, des êtres qui perdent le contrôle de leur personnalité, des êtres qui s'enfoncent graduellement dans une marginalité de plus en plus dangereuse, pour en venir un jour, probablement, à être forcés de réaliser qu'ils ont joué un jeu dangereux pendant des années et qu'il n'est pas bon pour l'homme de jouer avec son esprit. L'homme découvrira au cours de l'évolution que le rapport qui existe entre l'invisible et lui-même est un rapport de force, et que ce rapport de force doit être gagné par l'homme et jamais consenti à l'invisible. Donc, ceci demande que l'homme en arrive à réellement comprendre les lois occultes du mental, qu'il en arrive parfaitement à conscientiser son écran mental, c'est-à-dire à faire en sorte qu'il ne soit plus régi par les forces inférieures de son mental, mais exprimé par les forces créatives de son mental supérieur, où la lumière règne et où il est sûr et certain d'engendrer dans son mental des énergies ou des forces qui conviennent parfaitement à l'équilibre entre lui-même et le double. Sinon, l'homme risque de polluer son esprit, il risque de magnétiser son corps astral, il risque de faire venir vers lui des entités, d'ouvrir ses centres d'énergie, pour éventuellement perdre le contrôle de sa personnalité et fermer à jamais la possibilité de passer de la personnalité à la personne. Jouer avec l'écran mental, jouer au laboratoire avec l'écran mental, c'est un peu comme jouer avec le Ouija board. Lorsque nous jouons avec cette planchette, nous attirons vers nous des entités, des forces psychiques que nous ne pouvons pas contrôler dans certains cas. Beaucoup de personnes ont perdu l'équilibre parce qu'ils ont joué avec ces jeux, ces soi-disant jeux. Mais l'homme ne réalise pas que ces jeux sont dangereux et qu'ils sont mis à la portée de l'humanité pour l'ouverture de ses centres psychiques afin de maintenir sur la Terre le contrôle de l'astral sur la conscience de l'homme. Nous ne pouvons pas blâmer les compagnies qui produisent ces jeux parce que ces compagnies sont ignorantes de ce qu'elles font. Mais nous devons rendre compte à l'homme, à la psychologie, aux psychiatres, aux gens qui s'intéressent à la psyché humaine, que ces jeux sont très dangereux. L'homme est suffisamment occulte en lui-même pour réaliser que l'occulte est vaste, qu'il est grand, et que pour le contrôler, pour en avoir contrôle total, pour pouvoir travailler et œuvrer en relation avec lui, il faut être mentalement très centrique, c'est-à-dire très balancé dans l'émotionnel et le mental inférieur. À ce moment-là, ce que l'homme utilise pour son travail, ce que l'homme utilise pour la conversion de son énergie en action créative est d'un autre ordre et il n'a plus besoin de se rapporter à des activités qui sont sanctionnées par l'astral au profit de l'astral et contre le besoin ou le bénéfice de l'humanité. Plus l'homme se conscientisera, plus il réalisera, ou c'est-à-dire moins il vivra d'affinité avec ce qui est astral ou ce qui est le produit de l'action ou de l'activité astrale à travers l'homme et son ignorance. Donc, plus l'homme se conscientisera, moins il aura tendance à vivre le voyage astral, moins il aura tendance à vivre la manipulation astrale de son écran, moins il aura tendance à se soumettre à des activités d'ordre psychique qu'il ne comprend pas. Donc, il deviendra totalement conscient de ce qu'il fait, et alors, il deviendra totalement protégé contre des mouvements d'énergie en lui qui feront partie alors de l'évolution et ne pourront plus le toucher. Donc, l'homme a besoin de se protéger. Et c'est à travers cette science nouvelle qu'il pourra le faire parce que cette science nouvelle permettra à l'homme finalement, à partir de lui-même, à partir de ses fusions, à partir de son intégralité, de son unité, de sa science profonde, d'élucider les manœuvres subtiles de l'astral. Souvent, les gens disent « Ah, la planquette ou le Ouija board, ça fonctionne ». Et l'on croit que parce que ça fonctionne, que c'est bien. Et c'est justement parce que ça fonctionne que c'est dangereux. Si ça ne fonctionnait pas, évidemment, il n'y aurait pas de danger. Donc, tout ce qui fonctionne n'est pas nécessairement sûr pour l'homme. L'homme doit d'abord connaître le mécanisme, connaître la fonction, savoir l'origine de ces choses. Et une fois qu'il en connaît tous les aspects, une fois qu'il en connaît le masque, il peut en être libre. Mais tant qu'il ne connaît pas le masque, qu'il ne connaît pas les mécanismes, il peut en être touché, et c'est là qu'il doit faire attention. C'est pourquoi l'écran mental de l'homme est une source d'informations, de connaissances précieuses, dans la mesure où l'homme sait conserver son regard sur lui-même, c'est-à-dire dans la mesure où il est capable de maintenir un lien étroit entre lui-même en tant qu'ego et sa source, sa lumière. Sinon, il se fait facilement embrouiller, il devient facilement astralisable et, naturellement, sujet à la perdition.